بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا يا الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivent sur la radio Bilal Al-Kini dans cette collaboration qui se veut être une collaboration entre mon humble personne et les frères de Ahl al-Sunnah de Montpellier du collectif Lil'ilmi wa Rahma, pour le savoir et la miséricorde, fa marhaban bikum jami'an. Donc dans cette assise, nous allons poursuivre dans l'explication de Thalathat al-Usul, c'est-à-dire l'explication des trois principes fondamentaux de Sheikh Ubaid al-Jabiri, rahimahullah wa rahmatan wasi'a. Donc nous nous étions arrêtés concernant le sujet d'Alhamd. Donc Alhamd, pour le rappel, Sheikh Ubaid al-Jabiri avait dit « Wa thana'u ala Allah » Azza wa Jal, c'est-à-dire c'est l'éloge qui est adressé à Allah Azza wa Jal. Et on avait rajouté un taqid muhim, c'est-à-dire que Alhamd huwa thana'u 'ala Allah ma'a al-mahabba wa at-ta'zim. C'est-à-dire que Alhamd c'est l'éloge adressé à Allah avec amour et vénération. Barakallahu fikum. Tayyib. Ensuite, concernant ce sujet-là, on avait vu que Cheikh Ubaid al-Jabiri avait mentionné que l'auteur, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Tamimi, rahimahullah, en bas de page avait dit وَبَدَأَ اللَّهُ أَرْبَعَ سُوَرٍ غَيْرِ الْفَاتِحَ بِالْحَمْدِ. C'est-à-dire que surat al-Fatiha commence par la louange d'Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mais il avait mentionné également que quatre autres sourates commencent par la louange d'Allah. Quatre autres sourates commencent par la louange d'Allah. Et donc on s'était arrêté là. Il dit « Fama suwaru al-ukhra al-arba'a ». Donc, quelles sont ces quatre autres sourates, en plus de surat al-Fatiha qui commence par Alhamd. Il a mentionné le premier verset de surat al-An'am, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit « Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun ». C'est-à-dire, toutes les louanges reviennent à Allah, qui est celui qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière. Puis ceux qui ont mécru en leur Seigneur lui donnent des égaux, yani lui donnent des associés. Cheikh Ubaid al-Jabiri dit « فَمُوْجِبُ الْحَمْدِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعْلُ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ » Donc la raison par rapport à laquelle Allah a proclamé sa louange, c'est le fait qu'il est, à lui revient la louange du fait qu'il ait créé les cieux et la terre et qu'il ait établi les ténèbres et la lumière. Le deuxième passage, Surat al-Thaniya, Surat al-Kahf. Donc il est dit, qala fiha, subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. C'est-à-dire, toutes les louanges reviennent à Allah, qui est celui qui a révélé sur son serviteur, qui a fait descendre sur son serviteur le livre, et qui a fait que dans son livre il n'y a pas de tortuosité, c'est-à-dire qu'il n'y a mis que les plus nobles des paroles. Il n'y a mis aucune tortuosité. Non. Donc, Mujibu al-Hamd fiha, Inzalu Allah al-Kitab, ala Rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, al-Kitab, al-Hadi, al-Mustaqim, al-Qawim. Donc, c'est-à-dire que là, Allah Azzawajal a lié sa louange au fait qu'il est celui qui a fait descendre, yani qui a révélé son livre, le Coran, à son messager. Et ce Coran est un guide, et c'est un livre qui est droit. Ensuite, السورات الثالثة سورة سبا سورة سبا dans laquelle Allah عز وجل a dit au début الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Donc le début de ce verset mentionne la cause الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Toutes les louanges reviennent à Allah, qui est celui à qui appartient ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur la terre. Donc, فَمُوْجِبُ الْحَمْدِ. Donc, la louange a été liée au fait que, yani, il est مُلْكُهُ لِسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا. Le fait qu'il est celui qui a la propriété, qui est le détenteur de la royauté sur les cieux et la terre et de ce qui est en eux. الرَّابِعَةُ الْأَخِيرَ. Donc la quatrième sourate, en plus de sourate al-Fatiha, comportant la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala au début, c'est sourate Fatir, dans laquelle Allah azza wa jalla dit الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. Donc dans cet aspect-là, الحمد لله فاطر السماوات والأرض, c'est-à-dire toutes les louanges reviennent à Allah qui est فاطر السماوات والأرض, c'est-à-dire le créateur des cieux et de la terre et qui a fait des anges des messagers. Donc on va موجب الحمد كونه فاطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا, c'est-à-dire le fait que du fait qu'il est le créateur des cieux et de la terre et qu'il est celui qui a fait des anges des messagers, il est celui à qui revient la louange. Non. Et pour la faïda, notre cher Hisham al-Hawsani avait dit que Allah azawajal est loué par rapport à deux choses. Je synthétise les propos du cher. Cher avait expliqué que Allah azawajal il est loué par rapport à deux choses. Par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait. C'est-à-dire par rapport à ce qu'il est, du fait qu'il est parfait. À lui appartiennent les noms les plus sublimes, à lui appartiennent les attributs de perfection. Il est parfait en tout sens et en tout point. De ce fait, il mérite d'être loué, il mérite les éloges de la part de ses serviteurs, de par ce qu'il est. Maintenant, ensuite, le deuxième angle d'approche, c'est par rapport à ce qu'il fait, de par les actes qu'il accomplit, le fait qu'il nous a créés, il nous donne la vie, il nous donne la subsistance, il nous donne de ses grâces, il nous donne de ses bienfaits, il nous fait bénéficier de sa générosité, de son pardon, de sa miséricorde. Tout ça, ce sont des choses dont nous, on profite, dont nous, on bénéficie. Et ça, ce sont des choses dont on bénéficie de la part d'Allah, alors qu'il n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Donc il est loué par rapport à ce qu'il fait vis-à-vis de nous. Donc il est loué pour ce qu'il est, subhanahu wa ta'ala, et il est loué pour ce qu'il fait. Azza wa jalla. Ça c'est une faïda que je résume de notre cher Hisham al-Hawsani, parmi les mashayikh qui ont été diplômés de l'université de Médine avec un doctorat. Tayyib. Ensuite je reviens à propos de Cheikh Abid. Il dit « وَأَمَّا الذِّكْرُ الْحَمْدِ فِي ثَنَايَ الْقُرْآنِ فَيَزِيدُ عَنِ الْأَرْبَعِينَ مَوْضِعًا » C'est-à-dire que là les passages qu'on a abordés, c'était quatre sourates, en plus de sourate al-Fatiha. Donc c'est-à-dire sourate al-Fatiha, sourate al-An'am, sourate al-Kaf, sourate Saba et sourate Fatir. Ce sont cinq sourates du Coran qui commencent par la louange d'Allah. Cependant, le fait qu'il est mentionné que le fait qu'Allah soit loué dans d'autres endroits du Coran, c'est-à-dire pas au début des sourates, il y a plus de 40 endroits dans le Coran dans lesquels la louange d'Allah est proclamée, au milieu des sourates. Il y a plus de 40 passages dans le Coran dans lesquels Allah azawajal est loué, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit « وَتَفْسِرُ الشَّيْخ لِلْعَالَمِينَ بِالْعَالَمِ هَذَا صَحِيحُ جَمْعُ عَالَمُ وَالْعَالَمُ أَوَ الْعَالَمِينَ لَا مُفْرَدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ مِثْلُ الْأَهْلِينِ لَا مُفْرَدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ. Taïb, ça cette connotation, c'est une connotation relative à la linguistique, je ne vais pas la traduire. Mais ce qui doit être compris, c'est que la connotation qui est voulue par ce passage-là, c'est que le mot al-alam, bien que ce soit un mot au singulier, en fait, lui, il renvoie à un pluriel. C'est-à-dire, le fait que al-alam, lorsqu'on dit le mot alam, ça veut dire le monde, mais ça renvoie à une multitude de créatures. Une multitude de créatures et de créations qui sont comprises dans ce monde. Comme justement, il dit, mithlul ahlin. Al-ahlin, c'est le pluriel du mot ahl. Quand on dit le mot ahl, c'est un mot qui est au singulier, famille. Mais est-ce que ça renvoie à une seule entité? Non, ça renvoie à une multitude d'entités. Quand on dit une famille, c'est singulier. Mais ça renvoie à plusieurs individus, parce qu'une famille est composée d'individus. Donc le mot al-alam, sa connotation, même si c'est un mot au singulier, ça renvoie à une multitude de créatures. C'est ça qui doit être retenu. Taïb. Wal-awalim, excusez-moi. هي جميع المخلوقات من سماوات وأرض وملائكة وإنس وجن ودواب كلها عوالم. Donc العوالم, ça va faire référence justement au monde, aux différents mondes qui existent et qu'Allah a créé. Ça va renvoyer à l'ensemble des créatures, l'ensemble des créatures qu'Allah a créées parmi celles qui se trouvent dans les cieux. Yani les créatures dont font partie les cieux et la terre et dont font partie les anges, les êtres humains, les djinns et les ad-dawab, yani les bestiaux. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle awalim. Et toutes ces créatures sont assujetties à Allah, soumises à son pouvoir, à son contrôle et à sa royauté absolue. Il est celui qui est le maître de cette création. Il est le propriétaire de cette création. Il en est le maître. Il en est celui qui en fait ce qu'il veut et il agit comme il le veut avec sa création, subhanahu wa ta'ala. Et il est le Seigneur, maître et la seule divinité qui mérite d'être adorée par ses créatures, Azza wa Jal. Ensuite, la parole du Musannif, rahimahullah, قال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك. Donc si quelqu'un viendra à te dire, بما عرفت ربك, comment tu as connu ton Seigneur, c'est-à-dire ton Seigneur et Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu l'as connu? Faqul bi ayatihi wa makhluqati. Dis, je l'ai connu de par ses signes et ses créatures. Wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wa al-qamar. Donc, wa min ayatihi al-layl, donc la nuit. Parmi ses signes, il y a la nuit. Wa an-nahar, et le jour. Wa ash-shams, et le soleil. Wa al-qamar, la lune. Wa min makhluqatihi, et parmi ses créatures, as-samawati as-sab', les sept cieux. Wa al-aradun as-sab', et les sept terres. وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا et ce qui se trouve en eux, c'est-à-dire dans les cieux et dans la terre, et وَمَا بَيْنَهُمَا et ce qui se trouve entre les sept cieux et les sept terres. C'est-à-dire l'ensemble des créations. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى et donc le cheikh a mentionné le verset de Sourate Fussilat, le verset numéro 37, dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَجُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ c'est-à-dire, et fait partie de ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui est celui qui les a créés, si c'est véritablement lui que vous adorez. Cheikh Obed al-Jabri explique, la partie où le Moussanif, c'est-à-dire Cheikh al-Islam, a dit, Bima arafta rabbak, comment tu as connu ton Seigneur? Il dit, qu'est-ce qui est voulu par ce passage-là? Bi-ayishin ta'arrafta alayhi. C'est-à-dire, quelles sont les choses qui t'ont permis de le connaître? Wastadlalta alayhi annahu ilahuka wa khaliquka wa sayyiduka wa rabbuk. C'est-à-dire, quels sont les arguments, les preuves qui ont fait, yani qui prouvent qu'il est bel et bien, c'est-à-dire qu'Allah est bel et bien ta divinité, ton créateur, ton maître, ton seigneur. Qu'est-ce qui prouve cela? La bud min adillatin wa barahin. Il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait des preuves qui établissent cette chose. Que Allah est bel et bien ton Seigneur et Maître. وَقَدْ نَصَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ عَلَى وَحْدَنِيَّتِهِ مَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى الْعِبَادِ Et donc Allah Azza dans son livre, le Coran, il y a mis des preuves qui prouvent son unicité, c'est-à-dire son droit, son unicité subhanahu wa ta'ala, et il y a suffisamment de preuves pour établir la preuve sur ses serviteurs, c'est-à-dire pour que ses serviteurs n'aient aucune excuse. La clarification est venue claire et ils n'auront aucune excuse vis-à-vis à ce sujet-là. Et donc, qui prouve son unicité, وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُ وَحَدَّهُ لِلْعِبَادَةِ C'est-à-dire que ces preuves qui sont dans son livre prouvent son unicité et le fait qu'il est le seul à mériter l'adoration et que l'adoration lui revient de façon exclusive. وَجَاءَتْ بِهَذِهِ الْبَرَاهِينَ الرُّسُلُ Et ceux qui ont transmis, c'est-à-dire qui sont venus avec ces preuves-là, ce sont les messagers, عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَبَانُوهَا لِلْعِبَادِ حَقَّ الْبَيَانِ Et ils ont clarifié ces arguments, yani ces preuves, qui sont des preuves révélées par Allah, ils les ont clarifiées de la meilleure des manières. Ensuite, فَقُلْ عَرَفْتُهُ بِآيَاتِهِ Donc dit, je l'ai connu, c'est-à-dire que j'ai connu Allah de par ses signes. Donc le terme ayat, il dit, le terme ayat, c'est le pluriel du mot ayatun. Donc al-ayat, c'est le pluriel de ayatun. Tayyib. وَهِيَ فِي اللُّغَةِ الْعَلَامَ Dans la linguistique, ça renvoie à l'alama. C'est ce qu'on traduirait par le mot signe, le signe. Donc, آيَاتُ اللَّهِ ثَلَاثُ أَصْنَافُ Ce qu'on appelle les ayats d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'on pourrait traduire comme les signes d'Allah, elles sont de trois catégories. طيب. آيَاتٌ مُنَزَّلَةٌ عَلَى الرُّسُلُ وَهِيَ وَحْيُهُ الَّذِي أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى كُلِّ رَسُولٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُبَلِّغَهُ قَوْمَهُ Donc la première catégorie des signes d'Allah, ce sont les signes révélés, c'est-à-dire les versets. Donc les signes révélés dont Allah fait révélation à chaque messager. وَهِيَ وَحْيُهُ C'est sa révélation. الَّذِي أَوْحَاهُ اللَّهُ Dont Allah a fait révélation. إِلَى كُلِّ رَسُولٍ à chaque messager. وَأَمَرَهُ أَنْ يُبَلِّغَ قَوْمَهُ Et qu'il a ordonné à ce messager-là de transmettre ces signes-là, c'est-à-dire ces versets, à son peuple. وَمِنَ الْآيَاتِ الْمُنَزَّلَةِ Et donc fait partie de cette catégorie de ce qu'on appelle les signes, qui sont des signes révélés, qui ont été descendus par Allah subhanahu wa ta'ala sur ses messagers, alayhi mussalatu wassalam, Al-Qur'an, le Coran, At-Tawrat, yani la Torah qui a été révélée à Moussa, alayhi salatu wassalam, Wa-Zabur, Al-Zabur, yani les psaumes qui ont été révélés à Daoud, alayhi salatu wassalam, Wal-Injil, Wal-Injil, qui est l'évangile, qui a été révélé à Isa, alayhi salatu wassalam, وَصُحُفِ مُوسَى Et ce qui a été révélé à Moussa وصحف إبراهيم إلى فيد كيف révélé à Ibrahim. وغير ذلك مما لم يسمى الله. Yani, et autre que cela parmi les livres que Allah nous a pas don, dont Allah ne nous a pas donné les noms. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a d'autres livres qui ont été révélés, mais on ne connaît pas tous les noms. Sachant que, pour rappel, n'oubliez pas qu'on avait mentionné que le nombre de prophètes qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, c'était combien ? 124 000. On avait vu qu'il y avait 124 000 prophètes. Alayhim wassalatu wassalam. Et dans un hadith, 313 messagers. Dans un autre hadith, qui est lui aussi authentique, 315 messagers. Donc, il y a eu de nombreux messagers, il y a eu d'autres livres que les livres dont on a mentionné les noms, mais on ne connaît pas tous leurs noms. On ne connaît pas le nom de tous ces livres, mais on y croit de façon générale, et on y croit de façon spécifique concernant ceux dont on connaît le nom. Donc, la première catégorie, c'est les signes révélés. La deuxième catégorie, comme on a dit, il y en a trois. La première, c'est les catégories des signes révélés, c'est-à-dire les ayat, il y en a les ayat al-munazzal. La deuxième, ayat afaqiyya. C'est-à-dire ça, c'est des signes célestes, les signes dans les astres, les signes dans la création. Des signes qui nous prouvent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Et il dit, et ça c'est, ce sont des signes qui sont créés. Il dit, minha as-samawat wal-ard. Donc fait partie de cette catégorie, les cieux et la terre. Wa shamsu wal-qamar, le soleil et la lune. Ma yushahidu fil-qawni minha. Yani parmi ce que l'on observe dans la création. مضى صنفان من آيات الرب الدالات على وحدانيته. Donc là, c'est deux catégories qu'on a mentionnées, les signes révélés, les signes célestes. Ce sont deux catégories qu'on vient d'aborder et qu'on vient de mentionner qui sont des signes du Seigneur qui indiquent son unicité dans sa seigneurie souveraine. Rububiyato, le fait qu'il est le Seigneur souverain, subhanahu wa ta'ala. Wa uluhiyato, et qui yani prouve qu'il est le seul à mériter l'adoration de façon exclusive. Et ça nous prouve son unicité quant à ses noms et ses attributs. Ensuite, la troisième et dernière catégorie, ayat nafsiyah, c'est-à-dire les signes dans les créatures en elles-mêmes, c'est-à-dire au sein des serviteurs. Qu'est-ce qui est voulu par ça? Il dit, وَهِيَ مَا يَلْحَظُهُ الْإِنسَانُ فِي نَفْسِهِ مِنْ عَجِيبِ صُنْعِ اللَّهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ dans surat al-Dhariyat. Et dans un autre passage de surat al-Fusilat, Surat Fusilat, pardon, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. C'est-à-dire que donc là, il fait référence à une catégorie de signes qui prouve l'unicité d'Allah. C'est des signes qui sont dans les créateurs, c'est-à-dire ce que l'être humain observe comme yani, des choses extraordinaires qu'Allah crée en lui-même. Par exemple, je vous donne un exemple. Cheikh Saadi, dans son explication de Manzumat al-Qawaid al-Fiqhiyya, avait parlé du fait que yani, comment les organes sont positionnés dans l'organisme, par exemple. Ça, c'est des choses extraordinaires. Avec la technologie qu'on a, les gens essaient de fabriquer des robots, de fabriquer de l'intelligence artificielle. Ils n'arrivent pas à produire ce qu'Allah il a créé, subhanahu wa ta'ala. Les êtres humains, comment les dents sont positionnées, comment le système sanguin, le système hormonal, le système endocrinien, tout ça, ce sont des choses qu'Allah il a mis dans le corps. Ça fonctionne sans que toi, tu t'en rendes compte. Rien que quand tu respires, rien que quand ton cœur bat, quand tu manges des nourritures, les nutriments qui nourrissent ton corps, ça c'est des choses que Allah Azzawajal a mis dans ton corps. Ça fonctionne comme une usine de haute précision. Et toi tu fais même pas d'effort, tu te contentes de vivre, boire, manger, dormir, etc. Tu vas qu'à tes occupations, mais ton corps, il se passe des choses extraordinaires dans ton corps. Et ça nous prouve qu'Allah Azzawajal, il est bel et bien unique. Il est le seul Seigneur de l'univers Azzawajal, il est le seul Créateur, il est le seul qui mérite l'adoration Azzawajal. Subhanahu wa ta'ala. Taïe. Donc, Cheikh Obed al-Jabri dit « وَهِيَ مَا يَلْحَظُهُ الْإِنسَانُ فِي نَفْسِهِ مِنْ عَجِيبِ صَنْعِ اللَّهِ » Donc, c'est ce que l'être humain constate comme chose incroyable qu'Allah a fait dans son corps. Il mentionna le verset de Surat al-Dhariyat, le verset 21 « وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » Il y a des signes même en vous-même, n'allez-vous pas être clairvoyant, n'allez-vous donc pas voir. Ensuite, le verset 53 de Surat Fusilat « سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ » Nous leur ferons voir nos signes à l'horizon ainsi qu'en eux-mêmes. Donc, Cheikh Obed al-Jabri, il dit فَعَرَفْنَا آيَاتِ الرَّبِّ دَلَّاتِ عَلَى وَحْدَنِيَتِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ هِيَ. Donc là, il fait un récapitulatif. Il dit qu'on a vu les trois signes qui montrent l'unicité de notre Seigneur Azza wa Jal sont de trois catégories. الأولى مُنَزَّلَة. Donc la première, c'est la catégorie des signes qui sont révélés. cette catégorie de signes, c'est une catégorie de signes qui ne sont pas parmi les créatures d'Allah. Parce que c'est sa parole. Comme vous le savez, la parole d'Allah est incréée. Non. La parole d'Allah est incréée. Donc ensuite, al-thani, ufuqiyya ou afaqiyya. Donc ça fait référence aux signes célestes. Taïb. Ensuite, al-thalith, donc la troisième catégorie de signes, ayatun nafsiyya. Les signes qui sont dans les créatures, dans les serviteurs. وهذان الصنفان مخلوقان. Et ces deux dernières catégories, c'est-à-dire les signes célestes et les signes corporels, entre guillemets, intrinsèques aux créatures, ces deux dernières catégories sont toutes deux des catégories de signes d'Allah qui sont créés. Ensuite, فَقُلْ عَرَفْتُهُ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَتِهِ. Donc la personne à qui on pose la question, comment tu as connu ton Seigneur, il va dire, je l'ai connu par ses signes et ses créatures. Et dit الحقيقة أن المخلوقات داخلة ضمن الآيات. Il dit en réalité, on a mentionné comme si c'était deux éléments différents. C'est comme si quand on dit bi ayatihi wa makhluqati, on pourrait croire que l'ayat et le makhluqat c'est deux choses différentes. Il dit non. Il dit en réalité, al-makhluqat dakhilatun bimna al-ayat. Les créatures font partie des ayat. Lakin hadha min bab at-tikrar wa laysa al-mughayara. C'est dans le but de répéter quelque chose qui fait partie de ce qui a été mentionné initialement et non pas pour mentionner un élément distinct qui serait d'une autre nature. لأن كل مخلوق آية. Car toute créature est un signe. وليس كل آية مخلوقة. Mais ce n'est pas tout signe qui est créé. انتبهوا. Toute créature est un signe. كل مخلوق آية. وليس كل آية مخلوقة. Pourquoi? Parce que dans les ayats, il y a des ayats qui sont munazzala. Et ça, ce n'est pas créé. طيب. فبينهما عموم وخصوص. Donc il y a des généralités, des spécificités concernant ces deux termes. طيب. عرفته بآياته ومخلوقاته. Donc le fait de dire je l'ai connu par ses signes et ses créatures, c'est min عطف الخاص على العام. C'est le fait de mentionner un élément yani spécifique après avoir mentionné un terme qui était général qui l'englobait. C'est-à-dire que je l'ai connu par ses signes et ses créatures, les créatures font partie des signes. C'est-à-dire il mentionne un élément qui était déjà compris dans le terme précédent. Il a juste affilié un élément spécifique qui fait partie d'un ensemble qui était général mentionné juste avant. Taïb fakulu makhluqin aya. Toute créature fait partie des signes d'Allah. Est une aya. Wa laysa kullu ayatin makhluqan kama qadamna. Et ce n'est pas tout aya, tout signe d'Allah qui sera considéré comme créé. Car comme on l'avait dit, les ayat al-munazzala, comme le Coran al-Karim, ça ne fait pas partie de la création d'Allah. Taïb thumma dhakara al-shaykh min al-ayat allati hiya makhluqa. Puis le shaykh il a mentionné des signes d'Allah qui sont des signes créés parmi ces créatures. Al-shams, le soleil, al-qamar, la lune, al-layl, la nuit, wa an-nahar, le jour. Wa istadalla 'alayha bi ayati al-fusilat. Yani il a argumenté concernant la mention de ces quatre créatures comme faisant partie des créatures d'Allah et parmi ces signes par le verset de sourate Fusilat. Et dans ce verset, il est dit wa min ayatihi. Donc fait partie de ces signes ay min al-'alamati dallati 'ala wahdaniyati. C'est-à-dire parmi les signes qui indiquent qui prouvent et qui indiquent son unicité subhanahu wa ta'ala. Al-layl wa an-nahar wa ash-shams wa al-qamar. Comme Allah l'a dit lui-même, yani la nuit et le jour, le soleil et la lune. Takhsis hadhihi al-arba'a li'idhamiha. Pourquoi Allah il a mentionné ces quatre-là particulièrement, le soleil, la lune, la nuit et le jour, de par leur grandeur, leur grandiosité, leur immensité. Wa hiya abrazu al-ayat al-makhluqat al-mushahada, parce que ça fait partie des plus grandes créatures qui sont observables. Ça fait partie des plus grandes créatures qu'on peut observer d'Allah subhanahu wa ta'ala au sein de sa création. Azza wa jalla. فالليل والنهار بينهما اختلاف طولا وقصرا وظلما ونورا وذلك عبرة. Donc le fait qu'entre la nuit et le jour, il y a des différences entre la nuit et le jour en termes de longueur, en termes de ce qui est plus court, de ce qui est plus long, ou par rapport à ce qui est relatif à la ténèbres ou ce qui est relatif à la lumière. وذلك عبرة. Et il y a en cela une leçon. Il y a en cela une leçon. وكما قال كما قال تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. C'est-à-dire qu'il est celui qui a fait que la nuit et le jour se succèdent, yani se succèdent l'un après l'autre, et il y a pour celui qui voudrait se rappeler ou qui voudrait manifester sa gratitude, yani être reconnaissant. Et Cheikh Obeid al-Jabri dit yatulu hadha wa yaqsuru hadha. Donc celui-là il est plus long, celui-là il est plus court, yani entre ces créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celle-ci est plus longue, celle-ci est plus courte en termes de temps. يأتي هذا ويذهب هذا. يعني l'une de ces créatures vient et l'autre elle part. Parce que quand le jour arrive, la nuit part. Quand la nuit arrive, le jour part. Et ainsi de suite, ça se succède au niveau des créatures d'Allah Azza wa Jalla, de ses serviteurs. Et ensuite il dit وَشَمْسُ دِيَاءُ النَّهَرُ وَسُلْطَانُهُ. Et le soleil, c'est la lumière du jour, du domaine du jour, et il est celui qui y règne en maître. وَالْقَمَرْ دِيَاءُ اللَّيْلِ وَسُلْطَانُهُ. Et la lune, c'est celle qui accorde la nuit, à la nuit sa lumière. Et c'est celle qui y règne en maître. طيب وفي قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. Et dans la parole d'Allah, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune. في تخصيص النهي عن السجود للشمس والقمر تنبيه أن بعض الكفار كانوا يسجدون لهما. Dans le fait qu'Allah il est mentionné spécifiquement à l'interdiction, ne vous prosternez pas ni pour le soleil ni pour la lune, il y a en cela le fait que ça attire notre attention vis-à-vis du fait, ça nous informe et ça nous interpelle vis-à-vis du fait qu'il y avait parmi les mécréants polythéistes des gens qui adoraient le soleil et la lune, qui se prosternaient donc pour les deux. لِمَا يَرَوْنَهُ مِنْ عِظَامِهِمَا وَخَصَائِصِ كُلِّ مِنْهُمَا. De par ce qu'ils avaient vu, yani de grandeur et de d'immensité de ces deux créatures, du soleil et de la lune, et de leur spécificité. Car ces astres-là sont des astres avec des caractéristiques bien particulières. وَمِنْ خَصَائِصِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرْ مَا لَهُ دُخُلٌ حَتَّى فِي النَّبَاتِ. Car ces deux astres ont des spécificités qui sont relatives, qui vont même jusqu'à intervenir dans le domaine des plantes. C'est-à-dire que par exemple, comme vous le savez, le soleil, les plantes ont besoin du soleil pour vivre, pour se développer. Elles ont besoin d'eau, de pluie et du soleil. C'est ce qu'on appelle le principe de la photosynthèse. Et يَنِي حَتَّى فِي الْمَدِّ وَالْجَزَرِ. Ça fait référence au fait que, par exemple, la lune, elle a un impact sur les marées. C'est-à-dire les marées, l'eau qui avance et l'eau qui recule, etc., c'est lié à la lune. Non. فبعض المشركين كانوا يجدون لهما. Donc il y avait des polythéistes qui se prosternaient pour ces deux astres, le soleil et la lune. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit لا تجدوا للشمس ولا للقمر, ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune. قال ensuite وجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Prosternez-vous pour Allah qui est celui qui les a créés, c'est-à-dire qui a créé ces créatures-là, si c'est véritablement lui que vous adorez. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri aborde le sujet du sujoud, la prosternation. Il dit à sujoud, yajibu an yakuna lillah. La prosternation, comme c'est un acte d'adoration, il doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wa yunsarafu, yani akthar ma yunsaraf, ila al-hayhati al-ma'rufati fi salah. C'est-à-dire qu'en général, le sujoud, lorsqu'il est accompli, c'est sous sa forme qui est connue et en est dans la prière, c'est-à-dire la position prosternée à quatre pattes. Pourquoi Cheikh Ubayd al-Jabri fait référence à ça? Wallahu a'lam, c'est parce qu'il fait allusion à ce qu'on appelle aussi, yani, au fait que le terme sujoud désigne des fois dans un autre contexte un autre mouvement. C'est-à-dire que le sujoud est de deux. Comme Cheikh Al-Fawzan a mentionné dans Bayan al-Ma'ani fi Sharh Muqaddima Ibn Mizan al-Qadawani, il avait expliqué que le sujoud est de deux. Sujoud al-Ibada wa sujoud al-Tahiyya. Sujoud al-Ibada, c'est le sujoud d'adoration qui consiste à se mettre au sol, le front au sol et se prosterner. Et il y a sujoud al-Tahiyya, qui lui existait et était, il y en a permis dans les temps anciens, mais qui a été abrogé par la législation du prophète alayhi salatu wasalam. Et ce qu'on appelle sujoud, c'est une genre de révérence, c'est-à-dire le fait de s'incliner un peu. C'est de s'incliner, c'est pas une prosternation, mais c'était une genre de révérence. Cheikhuna Cheikh Hisham al-Hawsani nous a expliqué que c'était l'inhina. Et c'est également l'interprétation que nous avait, et l'explication que nous avait donné Cheikh Badr al-Anazi, hafidhahullah, dans le sens où ça faisait référence à une genre de courbette que des gens accomplissaient, yani par volonté, lorsqu'ils voulaient saluer et montrer du respect à quelqu'un. Et c'est ce qui a été accompli, par exemple, par la famille de Youssouf, à l'égard de Youssouf, par exemple. Ils ne se sont pas prosternés en se mettant, yani par terre. Ce serait plutôt une inclinaison. Une inclinaison du corps. Donc, une genre de révérence. Wallahu a'alam. Mais donc, justement, Cheikh Ubayd al-Jabri, il dit, donc, le sujoud, là, lorsqu'il est accompli, de façon générale, c'est sous sa forme la plus connue, yani celle qui est connue dans la salah. C'est la généralité de l'accomplissement du sujoud. Il est accompli de cette manière-là. Et c'est le fait de mettre les sept parties du corps sur le sol. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Umirtu, il m'a été ordonné. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. En fait, ça fait référence au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'il a reçu l'ordre de se prosterner sur sept parties de son corps. Sur cette os, donc sur cette partie de son corps. Il y en a sept. Les deux premiers donc, constituent un seul élément. Il avait dit Al-Jabha ou Al-Anf. Al-Jabha, c'est le front. Al-Anf, c'est le nez. Ça c'est considéré comme un seul. Ça fait un. Ou Al-Kaffan, et les deux mains. Donc lorsque tu prosternes, ton front et ton nez sont au sol, ça fait un. C'est considéré comme si la tête c'était un seul morceau. Ça fait un. Avec les deux mains, ça fait trois. Ou Al-Rukbatan, Al-Rukba, c'est le genou. Donc Al-Rukbatan, c'est les deux genoux. Donc là, ça fait 5. Wa atraful qadamayn, et le bout des pieds. C'est-à-dire que ce n'est pas ton pied à plat qui doit être au sol. C'est impossible de faire le sujoud comme ça. C'est le bout de tes pieds, le bout de tes orteils. Et donc ça fait 2 de plus, ça fait 7. Taïb. Et ce hadith est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Et donc, et Cheikh Obeid al-Jabri a dit Yani yu'abbir bihi ani salah, liannahu ashraf arkaniha. C'est-à-dire que le sujoud, on l'utilise des fois pour faire référence à la prière en elle-même. Parce que c'est le pilier le plus noble de la prière. C'est-à-dire, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même dans les livres des ulama, des fois, certains ulama vont dire, je vous recommande, il va donner un conseil, il va dire, « les kathalati sujoud ». Il va faire référence à la multiplication de la prosternation. Est-ce que ça veut dire que tu viens, tu fais des sujoud ? Là, ce qui est voulu, quand on va dire la multitude de prosternations, c'est-à-dire beaucoup de prières. Et on fait référence à un ensemble en mentionnant un de ces éléments parce que cet élément en est le plus noble. Pourquoi ? Parce qu'à la base, là j'ouvre ici une parenthèse, quelle est la partie la plus noble de l'être humain ? C'est son visage. La preuve, c'est que c'est sur ton visage se manifestent tes émotions, etc. Et justement, quand quelqu'un veut humilier quelqu'un, il le frappe au visage. Toucher le visage de quelqu'un, c'est un manque de respect. Mais justement, donc la partie la plus noble de ton visage, si tu la mets au sol, c'est une humiliation à la base. En apparence, c'est une humiliation. Mais quand tu le fais pour Allah, c'est un anoblissement, dans le sens où tu te rabaisses pour Allah, et c'est par cela que tu t'élèves auprès d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que la position dans laquelle le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Parce que ça, c'est la manifestation de l'humilité, de la servilité, de la soumission vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de par la place que cette position a là, parce que la prière elle a 4 positions. Al-Qiyam, il y en a la position debout. Al-Ruku, la position inclinée. Al-Sujud, il y en a la position prosternée. Ou Al-Jalsa, il y en a la position où tu es assis pour le tashahud ou entre les deux sujud par exemple. Quelle est la position qui a donné le lieu dans lequel on fait la prière? Les masajid, qui est le pluriel de masjidun, c'est le sujud. Pourtant, on y fait le Ruku dans la mosquée. On y fait le Ruku, on y fait le Qiyam, on y fait le Jalsa, etc. Mais c'est le Sujud qui a donné le nom à au lieu dans lequel on fait la prière. Parce que cette position, c'est la plus noble. Je reviens au propos de Cheikh Obeid. Il dit وَلِهَذَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي السُّجُودِ وَأَمَّا السُّجُودِ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. Et ce hadith est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et quant à la prosternation, lorsque vous y êtes, alors multipliez-y les invocations. Car vous serez plus à même d'être exaucé. C'est-à-dire, ay hariyun bil istijaba. C'est-à-dire que c'est un moment propice à être exaucé. Et ça, j'ouvre ici une modeste parenthèse, ça fait partie aussi du fiqh que le musulman doit avoir. C'est-à-dire, regarde, Akhi, toi, tu es musulman, tu vis dans cette dunya et tu as une opportunité pour obtenir le paradis et éviter l'enfer. Parmi les adorations les plus grandioses, il y a ad-du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada. La du'a, c'est l'adoration. Il faut que tu étudies ce sujet pour savoir comment être sûr que nos du'a soient exaucés. Car il y a des choses que si tu les fais, tes du'a sont rejetées. Il y a des choses que tu fais qui sont des obstacles à ce que tes du'a soient exaucés. Il y a des moments dans la journée, soit des positions, soit des moments particuliers dans la journée ou dans la nuit, dans lesquels les du'as sont exaucés. Il y a des adabs qui sont recommandés, qui font que ta du'a sera exaucée. Et il y a des choses que si tu les fais, ça va être une cause que peut-être tes du'as ne sont pas exaucés. Donc il faut étudier ce sujet-là, impérativement. Pourquoi ? Parce qu'on veut que nos du'as soient exaucés. Si tes du'as sont exaucés, si tu as des choses que tu veux demander à Allah dans cette dunya, que ce soit un travail, ou que se pouvoir te marier, ou pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir avoir la préservation de la sécurité. C'est important. Ou encore plus important, si tu veux des choses relatives à l'au-delà, le paradis, éviter l'enfer, éviter le châtiment de la tombe, et bénéficier des shafa'at du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-qiyama. Tout ça, ce sont des choses, tu dois faire les causes pour être exaucé. Naam. Donc il faut apprendre les adabs obligatoires à respecter lorsqu'on fait les doigts et les adabs recommandés pour pouvoir les faire. Et il faut savoir les choses à éviter. Je vous donne un exemple. Dans le sunan de l'imam At-Tirmidhi, et le hadith a été rendu hassan par Cheikh Al-Mubarak Fouri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'exauce pas l'invocation qui émane de quelqu'un qui joue ou dont le cœur est insouciant. » Combien de gens d'entre nous on fait autre chose pendant qu'on fait des doigts? On demande des choses à Allah et on fait autre chose. Notre esprit est focalisé sur autre chose. Alors qu'on est en train de parler à Allah, Azza wa Jal. C'est pas un adab. Il y a des adab wajiba, comme le fait d'invoquer Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Il y a des adab qui sont mustahabba. Il y a des temps, par exemple, connaître les temps, ça fait partie du fiqh que le musulman doit avoir, de connaître les temps appropriés. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les doigts sont exaucés entre l'adhan et l'iqama. Ou à la fin de la prière. À la fin de la prière, les doigts sont exaucés. Ou le fait que, par exemple, dans le dernier tiers de la nuit, c'est-à-dire dans le dernier tiers, quand vous voulez calculer la nuit, vous regardez le temps qu'il y a entre le maghrib et le fajr. Ce temps-là, c'est la nuit. Vous divisez en 3. Si par exemple le maghrib c'est à 6 heures et que le fajr c'est à 6 heures, 6 heures du soir et 6 heures du matin, ça veut dire que le dernier tiers de la nuit commence à 2 heures du matin, par exemple. Ben, ça, ce moment-là, c'est un moment dans lequel il est connu que Allah descend, d'une descente qui sied à Sa Majesté, et il exauce les invocations. Il s'adresse à sa création en leur disant, selon le sens du hadith Qudsi, yani, qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui accorde? Donc ça, c'est des choses qu'il faut étudier. Faire qu'à du'a, c'est essentiel. C'est essentiel. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith, le hadith est rapporté dans le Sahih de l'imam muslim et rapporté par Abu Huraira, il a rapporté le cas d'un voyageur. Déjà, les du'a en voyage, elles sont exaucées. Il lève les mains, c'est une cause d'exaucement. Il a des caractéristiques qui font que, normalement, il est censé être exaucé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, et il lève les mains et il dit Ya Rab, Ya Rab. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Mais du fait que sa boisson est illicite, que sa nourriture est illicite, que ses vêtements sont illicites, et qu'il est imprégné dans l'illicite, il est immergé dans l'illicite, c'est-à-dire que l'illicite fait partie de son quotidien. Fakayfa yustajabu lahu? Comment lui serait exaucé? C'est-à-dire, comment serait exaucé son doigt? Des fois, il y a des frères, ils vivent un quotidien dans le haram complet. Puis il invoque et il dit j'ai demandé à Allah et il ne m'a pas donné. Mais parce que lui, il a fait les causes pour qu'Allah ne l'exauce pas. Donc ce sujet-là, le sujet des du'a, je vous invite à donner de l'importance à ça. Barakallahu fikoum. Inch'Allah, j'essaierai de transmettre, j'ai fait un cours sur ça où j'ai traduit un des livres d'un des ulema que j'ai synthétisé sur ce sujet-là. Inch'Allah, j'essaierai de faire en sorte qu'il soit posté sur la chaîne du collectif Lil'ilm wa Rahma. Je l'ai donné ce cours-là dans la mosquée dans laquelle j'enseigne à Brest. J'essaierai de vous le mettre à votre disposition pour que vous puissiez bénéficier dans ce sujet d'un bref résumé de conseils et de recommandations à ce sujet. Taïb. Cheikh Ubayd al-Jabari dit « Wa qawluhu » yani la parole d'Allah Azza wa Jal « In kuntum yahu ta'budun » c'est-à-dire « Ne vous prosternez pas ni pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah, celui qui les a créés, in kuntum yahu ta'budun » si c'est véritablement lui que vous adorez. Donc il dit إذا كنتم صادقين في عبادة الله si vous êtes véritablement véridique dans votre adoration vis-à-vis d'Allah, alors لا تجدوا للشمس ولا للقمر وجدوا لله الذي خلقهن. Donc ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui est celui qui les a créés. هما, c'est-à-dire ces deux astres qui sont le soleil et la lune, مخلوقان, tous deux sont des créatures, مسخران, assujettis, c'est-à-dire obéissantes, soumises à l'ordre d'Allah et à sa volonté. وفي الآية ملاحظ آخر, يعني il y a quelque chose que l'on tire en plus de ce verset-là, وهو أن المشركين لهم عبادات, c'est-à-dire que les polythéistes, ils accomplissent des adorations, ils accomplissent des ibadat, des adorations, des formes de dévotion religieuse. مثل الصدقة, comme le fait de donner des aumônes, والحج, comme le fait de faire le pèlerinage, والعتق, comme le fait d'affranchir des esclaves, ou d'affranchir un esclave, excusez-moi. لكن عبادتهم ليست خالصة بل مشتركة. C'est-à-dire, mais leurs adorations qu'ils accomplissaient n'étaient pas vouées purement et exclusivement à Allah. Elles étaient plutôt l'objet de polythéisme. C'est-à-dire qu'elles étaient vouées non pas purement à Allah, mais à autre qu'Allah. Il y avait du shirk dans leurs adorations. والله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا. Et Allah n'accepte comme adoration que ce qui lui est voué de façon pure et exclusive. In kuntum yahu ta'budun, c'est-à-dire, si c'est véritablement lui que vous adorez, fajudu lahu huwa, prosternez-vous pour lui uniquement, que lui. La tajudu li ghayrihi, ne vous prosternez pas pour autre que lui. Non. طيب on va s'arrêter là inshallah barakallahu fikoum et on poursuivra bi idhnillahi azza wa jalla dans notre assise de la semaine prochaine inshallah dans ce superbe livre barakallahu fikoum et on se donne rendez-vous mercredi pour le cours de fiqh inshallah ta'ala hadha wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.